Légèreté dans notre humanité, prends le temps dans nos sens pour comprendre notre distance, prends un temps pour réaliser que tu es vraiment dans la vie, mon ami. La rage au cœur te donne rien, te donne pas le goût de changer tes mauvais comportements, te donne pas le goût de t'élever encore un autre instant. Libère-toi de ta conscience, sors la lumière en toi. Je te vois briller dans tes yeux, tu es désespéré, mais là, moi je suis là pour trouver dans une autre existence, une autre partie de toi. Tu connais pas l'enfance, tu as brisé, maintenant tu peux te libérer. Sors de tes souffrances, accepte ton cœur, accepte comme tu es à chaque moment. Je te vois dans le temps, je te vois briller. Let's go, vas-y, c'est ton temps. Accepte-toi comme tu es, défaut ou les qualités. Tu ne peux pas manquer du manque, tu as pleinement ta conscience. Repose-toi la question, qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie? Ne regarde pas tout ce qui t'envie. Reprends la vie en toi, l'humanité est arrivée. Un choix de la vie, il faut prendre le choix du cœur. Il faut écouter sa voix intérieure, se faire diriger par elle et faire confiance à la vie. Tout va arriver dans son temps précis. Ça veut dire que angoisse pas, laisse le temps apprendre tes sens. Mets-toi dans ta direction, ne te perds pas en chemin. J'ai la lumière pour les êtres humains, j'ai la lumière dans mon cœur. Je la fais briller maintenant, j'ai sorti de toutes mes peurs, j'ai sorti de toutes mes souffrances qui m'empêchaient de me réaliser, qui m'empêchaient de voir ce que j'étais. Tu comprends, mon ami, je suis pleinement là, parce que je m'y suis accepté, je m'y suis accepté. Pleinement dans ma vie, maintenant j'ai pu le crier. Je suis bien avec la relation avec moi. Prends le temps de t'aimer, prends le temps de connaître tes envies, tes façons de vivre la vie, puis grandis ta conscience dans l'humanité. On est là pour la renaissance, on est là pour le droit de naissance de nos enfants. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on vit, c'est maintenant le temps d'y réaliser ce qu'on est vraiment. Laisse faire le divertissement, laisse faire tout ce qui t'entoure, qui te dit tu peux pas réussir. Crois en toi, crois à ta lumière, tout est possible dans ce monde. Quand tu crois que tu peux accomplir tout ce que tu peux dans la vie.